quartier, trop froid pour rouler. Là, se demander combien de fois la maman a scrollé. Y'a des potes qui ont percé, d'autres passent à cher pierre, d'autres HP, star, firoulage, nounet. Mon public est spécial, c'est ce que je voulais. Dans le piano, y'a du Muggy, puis d'un coup, c'est du Gianné. Je sais que ça vous rassure de dire que je ne rappe plus. Le serveur est paro, puis alors je bois de la Red Bull. Elle cherche un mec brutal, normal que te friendzone. J'tique depuis tout le temps, ouais, demande à Fianso. De Panama Compton, j'ai toujours payé content. Tes ventes ne décollent pas, frère, pourvu qu'on t'entende. Paresseux ne bouge pas, mais il se contente de dire que c'est un tom-tom. Ça va dans pom pom pom, t'es rempli de muscles, Harry, mais on s'en tamponne. La baleine est balèze, mais elle mange du plancton. 140 en ville, la police me verbalise, me confisque mon permis, je le récupère le lendemain. Mon avocat n'a pas de com, mon avocat n'est pas marrant. Mon avocat pourrait défendre les assassins de mes parents. J'arrive en motocac et caché derrière la vapeur. S'il y a du bruit, tu caches ça derrière le radiateur. Pendant que je me prends la tête avec ma soeur, le châtiment ne cesse de tomber sur le peuple associateur. Si je prends la nationalité française, j'ai bien peur de devoir accepter de rejoindre les militaires et de rafaler sur des jambons des munitions, amis sans abri caché vers le sud de l'équateur. École buissonnière cache sur le directeur. Je connais la direction tout comme un oiseau migrateur. J'ai pris les textes de guide pour des mots passant devant moi sans en connaître la valeur. Si tu me cherches, un appui de perle. Y'en a ceux qui fument la chicha posée sur le star. Elle me pose des questions mais elle connaît les réponses. Elle veut savoir ce que ça fait de le faire avec une star. Le paradis n'a pas de prix, va falloir endurer les peines. Insulte pas le crocodile avant de traverser le Nil. De plus en plus nombreux malgré qu'on se termine. Ici les murs sont moisis mais ils ont mis du vernis. Laisse-moi quelques temps frère, le temps que je réalise que le cœur est vite vite comme la garde d'Austerlitz. Si tu me cherches, un appui de perle, une goutte de sperme. Voilà l'histoire, tu vas te faire mal. Quelle est l'histoire, j'ai fait le taf, je réalise quoi. Si tu me cherches, un appui de perle, une goutte de sperme. Voilà l'histoire, tu vas te faire mal. Lui mentir et lui dire que le monde est doux et coloré. Validé par la street comme le club Dorothée. Maniaque de la propreté tout comme la famille Bolloré. J'pensais être suffisamment renseigné sur toute la semaine pour vous dire que les choses n'évolueront jamais. J'suis dans ce truc avec un peu de recul, un minimum de précaution car forcément j'connais la fin du raid. Réformer l'Afrique, j'prétends pas avoir l'astuce. La douleur te regarde, te sourit quand elle te suce. Si tu veux une garantie pour aller faire signer ton contrat cousin, fais-le dans la maison, va t'assus. Ça fait 7 piges que je marche sur des cordes. J'étais, je suis, je serai le roi du Nord. Personne va casser les couilles, je préviens pas d'enfoiré. De toute façon, c'est pas possible car j'ai des couilles en or. J'me sens toujours comme un Tchétchène face aux Russes. Sache que l'âne n'avancerait que par la Russe. J'écoute le bruit de la pluie qui tape le toit de la rue douce. Tiens, chemin, sauter la porte juste pour regarder ton huc. Fils de, j'suis toujours à la maison. L'homme est noir, j'me fais pas trop d'illusions. Si tu meurs, c'est la vie, c'est gravé sur les cuissons. Ça ne change rien si tu dis que j'ai raison. Si tu me cherches, un appui de perle, une goutte de sperme. Voilà l'histoire, tu vas te faire mal. Quelle est l'histoire, j'ai fait le taf, j'réalise pas. Si tu me cherches, un appui de perle, une goutte